J'ai aimé la façon dont tes cheveux bouclaient, quand le temps est humide, quand j'ai les yeux mouillés, quand l'ambiance est au plat. Que ne ferais-tu pas? J'ai aimé la façon dont tu me racontais 28 000 histoires drôles, même si je les connaissais, oui, car pour me faire rire. Que ne ferais-tu pas? Quand tu te fais encore plus belle à l'aide d'un crayon noir, tu parfumes même les mains, alors qu'on va peut-être pas se voir, oui, quand tu veux me plaire. Que ne ferais-tu pas? J'aime tous tes baisers, même quand on n'y croit plus, du petit au long baveux devant tout le monde dans la rue, puis quand tu me prends dans tes bras. Alors là, je te dis pas, de la place de l'étoile à la place Clémenceau, tissons-nous une toile, s'envolera-t-elle bientôt? Passerons-nous l'hiver, passerons-nous même lundi, même s'il y a plus de guerre, on vit. Pas de fleurs, c'est qu'elle sourit vexée de n'être pas à la hauteur d'un rien de ton parfum. Et si j'ai pas trop dire tout ça, est-ce que tu m'en veux? Parfois, quand tu me demandes si je danse, si je bois un peu ou pas, tu me dis tout le mal que tu penses sur ces gens que tu connais même pas. Quand t'as peur qu'on se lasse, est-ce que tu crois? Ça se voit pas. De la place de l'étoile à la place Clémenceau, tissons-nous une toile, s'envolera-t-elle bientôt? Passerons-nous l'hiver, passerons-nous même lundi, même s'il y a plus de guerre, on vit. La distance du nord au sud de la France peut même faire peur aux colverts. Les oies sauvages en restent à terre et nous qui ne volons même pas. Comment fait-on? Sachez pas. Voit-on les mêmes couleurs, les mêmes trucs, les mêmes mondes? Grandit-on comme il faut, côte à côte, dos à dos? Est-ce qu'on fait bien d'y croire? C'est peut-être trop beau. Quelque part.